passant qui s'arrête lui jette une piécette, une chanson à l'accordéon donne un air de gaieté à ce coin de quartier. On y vend par milliers tous les fruits de saison, des roses et des œillets qu'achètent les garçons. Il y a tant de bruit, tant d'enfants de cris, tant de tout qu'un instant je t'oublie. Car je t'attends au café des cœurs, je ne vois pas défiler les heures. Ton mot doux griffonné sur un bout de papier m'a planté là pour l'éternité. Ne m'attends plus au café des cœurs, d'autres plus belles m'attendent ailleurs. Tous ces mots que j'écris sur des papiers fleuris, ils s'envolent et moi je les oublie. Moi lorsque par hasard je rencontre un regard, deux yeux bleus qu'une femme me tend avec son âme, qui séduit, lequel est conquis, je n'ai pas réfléchi, je m'entends qui dit oui, ce sont elles qui me tentent, est-ce que je les aimante? L'une passe et s'arrête, l'autre tourne la tête, trop ému, je ne comprends plus, et voilà que j'ai un cœur perdu. Ne m'attends plus au café des cœurs, j'ai tant d'autres filles à voir ailleurs, des plus jolies que toi qui ne m'attendent pas et qui me tomberont dans les bras. En t'attendant au café des cœurs, en regardant défiler les heures, j'ai rencontré un homme qui patientait tout comme je faisais à la table à côté. Ne m'attends plus au café des cœurs. Je m'attends plus au café des cœurs. J'ai tant d'autres filles à voir. Va vers celle qui t'attend ailleurs. Ton auto griffonné, je le touche chiffonné et fait brûler dans le cendrier. En t'attendant au café des cœurs. Mais tu n'es plus au café des cœurs. J'ai vu un autre regard charmeur. Le cœur abandonné de la table à côté m'a pris la main. On s'en est allé. Bien fait.